بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ اليوم الدرس السابع عشر من هذه السلسلة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام aujourd'hui le 17e cours dans cette série lié à l'explication du chapitre du jeûne dans le livre Umdat al-Ahkam. وقد وصلنا إلى الحديث الرابع. Nous sommes arrivés au quatrième hadith du sous-chapitre Afdal al-Siyam wa ghayrihi. Donc le sous-chapitre concernant le meilleur du jeûne et autres. Al-Muhammad ibn Abbad ابن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة سلم محمد بن عباد Ibn Ja'far qui dit, j'ai interrogé Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, en lui disant, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit le jeûne du vendredi? Il a répondu en disant, na'am, le hadith muttafaqun alayhi, et dans la narration de l'imam muslim, il rajouta, wa rabbil ka'bah, et donc na'am, par le seigneur de la Ka'bah. ففي هذا الحديث النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أما إن صام معه غيره كان جائزا. Il y a dans ce hadith le fait que il y a l'interdiction de jeûner le vendredi de façon spécifique. Par contre, si la personne elle jeûne le vendredi et avec un autre jour en plus, donc avec, comme le jeudi ou le samedi, alors il n'y a pas de mal. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Juwayriya bint al-Harith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala 'alayha yawm al-jumu'ah wa hiya sa'imah. Fa qala asumti ams? Qalat la. Qala turidina an tasumi ghadan? Qalat la. Qala fa aftiri. Al-Bukhari, il cite dans son recueil, selon Juwayriya bint al-Harith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc venu la voir un vendredi alors qu'elle jeûnait. Il lui a alors dit, est-ce que tu as jeûné hier, donc vendredi, donc est-ce que tu as jeûné hier, c'est-à-dire jeudi? Elle a dit non. Il dit, est-ce que tu veux jeûner demain, donc samedi? Elle a dit non. Il lui a dit alors, romps ton jeûne, wa hadha yadullu ala jawazi siyam al-jumu'ah makrunan bighayrihi. Et donc cela nous montre qu'il est permis de jeûner le vendredi lorsqu'il est attaché à un autre jeûne, au jeûne d'un autre jour, donc le jeudi ou le samedi. وإن كان يوم الجمعة صادف يوما غرب الشرع في صيامه كيوم عرفة أو عاشوراء أو غير ذلك فهذا لا يدخل في النهي. Et si le jour du vendredi il tombe durant un jour où la législation a incité de jeûner ce jour-là, comme par exemple Arafa. Donc le jour du vendredi tombe, le jour de Arafah. Là, il est donc recommandé de jeûner le jour de Ashura ou autre que cela. À ce moment-là, l'interdiction, ici, ce cas-là n'est pas lié à l'interdiction. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne jeûne pas pour vendredi, elle veut jeûner Ashura. Ce n'est pas le vendredi qu'elle veut. « Wa kadhalika man arada an yasum ayyam al-bid » C'est la personne qui veut jeûner les jours blancs. Les jours blancs, la personne, donc, elle veut jeûner ces jours-là et ça tombe un vendredi. elle peut jeûner. Pourquoi? Parce que là, la personne, elle veut jeûner les jours blancs, le 4, le 13, 14, 15. Elle ne veut pas jeûner le vendredi, spécifiquement. Ah, aussi, Yam Daoud, le fait de jeûner, de pratiquer le jeûne de Daoud, tu vas éventuellement jeûner un vendredi. Et donc, là, il n'y a pas de mal, parce que là, tu veux jeûner, c'est le jeûne de Daoud que tu veux, c'est pas le vendredi, de façon spécifique. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Et donc selon Abi Hurairah, le cinquième hadith selon Abi Hurairah رضي الله عنه qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Et ce hadith, il va confirmer ce que nous avons dit précédemment. Le fait qu'il a été interdit de jeûner le vendredi de façon spécifique. Par contre, s'il est lié à un autre jour, il y a une autre raison, il n'y a pas de problème. Les savants, ils ont divergé concernant ce sujet. فذهب أبو حنيفة ومالك إلى جواز صوم الجمعة مطلقا. Et donc, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, il voit qu'il est permis de jeûner le vendredi. Il est totalement permis de jeûner le vendredi. Il n'y a pas de mal à cela. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَا أَنَّهُ لَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمَا الْأَحَدِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ لَمْ تَبْلُغْهُمَا الْأَحَدِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ. Et les savants, ils ont dit qu'il se peut donc que les ahadiths qui montrent l'interdiction de jeûner le vendredi ne leur sont pas parvenus à l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى الكراهة. L'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils voient que cela est détestable, pas interdit, mais que c'est détestable. وذهب ابن حزم إلى التحريم. Ibn Hazm, il voit qu'il est totalement interdit de jeûner le vendredi, si on ne jeûne pas avec lui un autre jour. Si on ne jeûne pas avec lui un autre jour ou avec les autres causes que j'ai citées précédemment. Pourquoi il dit que c'est interdit? Il dit لأن النهي يفيد التحريم ولا صارف له. Parce qu'à la base, toute interdiction qu'on voit dans la législation, toute interdiction implique que cela est haram, est totalement interdit, est formellement interdit. Sauf s'il y a une preuve qui vient, un élément qui vient nous montrer qu'en fait, non, c'est pas formellement interdit, mais c'est détestable. Et il dit, et ici, il n'y a pas d'élément qui vient nous montrer que c'est détestable. Et donc, on va rester sur la base, c'est-à-dire que c'est interdit. وهذا القول في هذه المسألة هو الراجح إن شاء الله تعالى و أيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et donc cet avis dans ce sujet, l'avis de Ibn Hazm, c'est l'avis le plus juste inshallah, et certes c'est l'avis aussi qu'a choisi شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحديث السادس عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. Selon Abi Ubaid, Mawla ibn Azhar, et son nom c'est Sa'd ibn Ubaid, qui dit, j'ai assisté au Eid avec Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il a dit, ces deux jours-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a interdit de jeûner durant ces deux jours. Le jour de votre rupture, le jour de la rupture de votre jeûne, et donc le Eid, le Eid donc à la fin du mois de Ramadan, ainsi que et l'autre jour durant lequel vous mangez les bêtes que vous avez égorgées en sacrifice. قال ابن الملقن رحمه الله في الحديث دليل على تحريم صوم يومي العيد بكل حال. Ibn al-Mulaqin dit, il y a dans ce hadith la preuve qui montre qu'il est interdit de jeûner les deux jours du Eid dans toute situation. Dans tous les cas, c'est interdit. Sawa an sama huma an nadhrin aw tatawwu'in aw kaffaratin aw ghayri dhalik min qada'i fardin aw tamattu'. Hadha kulluhu ijma' wa hadha kulluhu ijma'. Et donc il nous dit, et donc même si cette personne elle a jeûné ce jour-là du Eid parce qu'elle avait fait un vœu, ou alors parce qu'elle veut faire un acte surrogatoire, ou une expiation, ou autre que cela, comme le fait de rattraper un jeûne obligatoire. Et donc tout cela c'est interdit, et cela par l'unanimité. Et cela par l'unanimité. Et donc il cite ici l'unanimité des savants sur le fait qu'il est formellement interdit de jeûner les deux jours du Eid. فلم يلتفت إلى قول أبي حنيفة في جواز الصيام يوم العيد لمن خصصهما بالصيام وذلك لأن قول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة مصادم للدليل الصريح. Et certes, Ibn al-Mulaqin رحمه الله, il n'a pas accordé d'attention à la parole de Abu Hanifa, l'avis de Abu Hanifa dans ce sujet, qui voit que il est permis à la personne de jeûner le jour du Eid de façon spécifique. Et donc, Ibn al-Mulaqin n'a pas donc cité l'avis de Abu Hanifa ici, car l'avis de Abu Hanifa, il s'oppose à une preuve claire. Il s'oppose à une preuve claire à l'interdiction de jeûner durant ces deux jours de fête. وفيه أيضا أن الخطيب يراعي في خطبته ما يحتاجه الناس من الأحكام في وقته. Il y a aussi dans ce hadith le fait que celui qui fait la khutba, il fait attention à ce dont les gens ont besoin à ce moment-là. Ça, c'est important. On a encore dit, tu ne cites pas ce que les gens ils veulent, mais tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Omar, il a abordé ce sujet-là parce que les gens ont besoin de savoir cela à ce moment-là. Al-Hadith ou Al-Sabi'a, le septième hadith. An Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu qal, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an sawm yawmayn al-fitri wa al-nahr wa an ijtimal al-samma وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح وعن والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. Selon Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه qui dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit le fait de jeûner deux jours, le jour de la rupture et le jour du sacrifice, donc les deux Eid. Et il a aussi interdit le fait de se vêtir, de se couvrir d'un seul et unique vêtement. On va expliquer ça tout à l'heure, inshallah ta'ala. Et il a aussi interdit le fait de s'asseoir dans un seul vêtement en levant les jambes, en positionnant les jambes de façon horizontale. On va expliquer ça aussi, inshallah ta'ala. Et il a aussi interdit la prière après le sobh et la prière après l'Asr. L'imam Muslim il a cité ce hadith entièrement, tandis que l'imam al-Bukhari il a juste cité la partie du jeûne. Wa hadha al-hadith fihi an-nahyu an sawmi al-eidain kama taqaddam. Il y a dans ce hadith l'interdiction de jeûner. Donc, il y a l'interdiction de jeûner les deux jours du Eid, comme on l'a vu précédemment. Et c'est pour cette raison que l'auteur, il cite ce hadith ici, dans ce chapitre-là. وَكَذَلِكَ فِيهِ النَّحْيُ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَهُوَ فَرْبٌ يُغَطِّ الْجِسْمَ كُلَّهُ. Et aussi, il y a dans ce hadith l'interdiction de se couvrir entièrement du vêtement, d'un vêtement, d'un seul vêtement. En fait, c'est le fait qu'il y ait un vêtement qui couvre tout le corps entièrement. Tout le corps entièrement. Donc, ce vêtement va couvrir tout le corps. ذكر العلماء العلة في النهي هنا أن اليدين إذا كانتا داخل الثوب لا يؤمن من إفضائهما إلى الفرج. Et donc, les savants, ils ont cité parmi les causes qui mènent à l'interdiction de cela. Le fait que si la personne elle est vêtue, elle a un seul vêtement qui couvre tout son corps et donc elle a ses mains, même ses mains qui sont donc à l'intérieur de ce vêtement, c'est-à-dire comme une seule grande cape qui fait tout le tour du corps. Et donc même ses mains elles sont dans cette grande cape, dans ce vêtement. Si cette personne-là est dans cette situation, ils disent donc il se peut que les mains de la personne arrivent dans ses parties. Premièrement, وَأَيْضًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ. Si la personne veut lever ses mains, elle ne peut lever ses mains ou sortir ses mains qu'en passant par le bas de ce vêtement. Et donc, lorsqu'elle va passer par le bas du vêtement pour lever les mains, la personne va montrer ses parties en même temps. Ses parties vont donc être dévoilées au public, montrées au public. Et donc, voilà pourquoi ce vêtement, cette façon de s'habiller a été interdite. Le fait de mettre une seule grande cape qui fait tout le tour du corps et que si la personne doit sortir ses mains, ben elle doit les faire passer par en bas et lever la cape, lever le vêtement. À ce moment-là, non, la personne va montrer ses parties. Wa fil hadith an-nahyu 'an al-ihtibā' fi thawbin wāhid. Et donc, il y a l'interdiction de s'asseoir en levant les jambes, en portant un seul vêtement. Mais où est l'ihtibā'? أن يقعد المرء على الإليتين ثم ينصب ساقيه وفخذيه. C'est le fait que la personne, elle va s'asseoir donc sur les fesses. La personne va mettre ses deux cuisses, comme ils disent certains méchirs, de façon triangulaire. C'est-à-dire que les cuisses, elles sont levées. Le genou, les jambes sont pliées. Et donc les fesses sont sur le sol et les pieds sont sur le sol. Le genou, il est en l'air, à hauteur des épaules presque. On va avoir donc une forme presque triangulaire de la jambe. Ici, cette position, elle est interdite lorsque la personne, elle porte un seul vêtement. Pourquoi ? خَشْيَةَ إِنْكِشَافِ الْعَوْرَةِ. Parce qu'on craint que les parties de la personne ne soient visibles. Si la personne ne porte qu'un seul vêtement, un seul kamis sur elle, elle a le kamis, elle se met dans cette position. Il se peut qu'on voit ses parties. Ceux qui sont en face d'elle vont voir ses parties. Parfois, même tu as un kamis, certains ils ont un sirwal qui est assez serré, ils se mettent dans cette position. Ils se mettent dans cette position. C'est déjà arrivé. Et après, on est gêné de dire à la personne, attention à ta position et tout, etc. Et donc, il faut qu'on fasse attention donc à la façon dont on s'habille. À ce qu'on ne mette pas en évidence nos parties. أَمَّا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدِ الْفَجْرِ وَبَعْدِ الْعَصْرِ فَكَدْ تَكَلَّمْنَا عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بِالتَّفْصِيلِ. En ce qui concerne l'interdiction de la prière après Subh et après l'Asr, alors on a abordé ce sujet en détail dans le chapitre de la prière. Al-Hadith al-Famin, le huitième et dernier hadith de ce sous-chapitre. An Abi Sa'idin al-Khudri radiallahu anhu qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبَعِينَ خَلِيفًا. Selon Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah va éloigner son visage du feu, et cela de 70 kharifa, c'est-à-dire 70 ans, c'est ce qui est voulu ici. Fait, fi hadha al-hadith, wa hadha al-hadith zakarnahu sabiqan, ce hadith on l'a cité précédemment. Il y a ici dans ce hadith l'incitation quant à l'accomplissement du jeûne de façon surrogatoire. Et on entend souvent ce genre de texte qui nous incite à la prière, qui nous incite au jeûne, qui nous incite aux bonnes actions, les récompenses liées à cela. Cependant, est-ce que réellement nous voulons ces récompenses ? فَنَكُومَ بِالْأَسْبَابِ أَمْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّمَنِّي فَقَطْ. Et donc, est-ce qu'on veut réellement ces récompenses et qu'on va accomplir les causes ? Ou alors c'est juste un espoir, un désir, sans forcément agir ? Allah Ta'ala, il dit dans son livre... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدُ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Il dit, et ceux qui ont cru, qui ont eu la foi et accompli de bonnes actions, nous les ferons rentrer dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement. La promesse d'Allah est vérité. Et qui est plus véridique que Allah en parole? Et donc, Allah il nous cite cette récompense grandiose, le paradis. Mais est-ce que le paradis, tu l'atteins juste comme ça, en espérant, sans faire d'acte? Non, il faut agir. Il faut agir. C'est pour ça que tout de suite après, Allah Azzawajal, il nous dit, « Laysa bi amaniyikum wa la amaniyi ahlul kitab » Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Ce ne sont pas par vos espérances, vos espoirs, ainsi que les espoirs du genre du livre, mais en réalité celui qui agit mal sera rétribué en fonction. Et il ne trouvera en dehors d'Allah, il ne trouvera pour lui, pour le protéger contre Allah Azza wa Jal, aucun allié, ni aucun secoureur. Tandis que celui qui agit et qui accomplit de bonnes actions, parmi lesquelles qu'il soit un homme ou une femme, en étant croyant, alors ceux-là rentreront au paradis. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Il ne leur sera pas fait injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Et donc Allah Ta'ala, ici dans ce verset, il nous incite à faire quoi? Il nous incite à agir. Parce que la religion ne se fait pas par التمني, c'est pas juste l'espoir. Tu as l'espoir et tu n'agis pas, tu entends les hadiths, le mérite du jeûne, etc. Et lorsque Ramadan est fini, ça, le jeûne c'est fini. Le jeûne c'est Ramadan, c'est tout. Agis, tu veux les récompenses, agis, fais-le. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la récompense, qu'il nous facilite et nous accorde une science profitable, il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.